Bonjour à tous et bienvenue sur Radioactive. Comme vous le savez, nous étions présents en direct depuis le festival BD Les Courants à l'occasion de la 17e édition. Vous avez ainsi pu écouter les interviews de Nicolas Vado pour l'association Ribambule, mais aussi des auteurs Laurent Astier et Loïc Chevalier. Dans ce deuxième volet, c'est l'auteur Kurt Riedel qui répond à nos questions, suivi de Claude Verne, coordinateur de cet événement. Bonne écoute. Et voilà, le festival BD Les Courants, 17e édition, vous y êtes. Vous êtes en direct sur ce site magnifique. Il fait toujours beau, l'ambiance est là. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce direct. Toujours en présence de Nicolas, la Ribambule. Nicolas qui est allé chercher notre nouvel invité, et pas le moindre, puisque c'est celui qui a notamment signé l'affiche cette année. Eh oui, Kurt Riedel qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, bah, allez, on parle de l'affiche. Ah bah, alors, on parle de l'affiche, allons-y. On va commencer par ça. Ah oui. Alors, l'affiche. Il y avait quoi? Il y avait carte blanche. Oui. Ils m'ont demandé de faire l'affiche. Donc, j'ai fait ce que je voulais. Donc, j'ai fait mes personnages qui s'appellent Angèle et René. Hein, mes personnages que je dessine encore aujourd'hui. Qui, Angèle et René, c'est une petite fille avec un cochon domestique. Donc, ce sont des gags pour toute la famille. Et j'ai dessiné aussi Pif et Hercule parce que ce sont les personnages que je dessinais dans les années 80 dans le magazine Pif. J'animais les aventures de Pif et Hercule. Et comme ici, je suis venu dédicacer aussi le très beau bouquin de Sébastien Gérard sur Pif et son gadget des années 80. Voilà, j'ai allié Angèle et René et Pif et Hercule. Donc, j'ai fait bien sûr Angèle et René en train de lire le livre sur Pif et Pif en train de lire Angèle et René. Et j'ai mis toutes les couvertures de mes copains présents, donc Larbier, Loisel, voilà, Eric Ivars, etc., Gaston et compagnie, tous les copains qui sont là. Moi, je trouve que ça appelle à une nostalgie, forcément, quand on a connu ces années-là, quand on lisait Pif et Hercule, enfin voilà, les années 80. Ah ben oui, moi j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur cette aventure-là et c'était génial quoi, c'était vraiment la presse, hein. Il fallait travailler souvent très vite, des fois on changeait de gadget et il fallait tout redessiner dans la nuit parce que le gadget n'était pas arrivé donc c'était remplacé. Il y avait plus l'arbalète à ventouse mais c'était un sous-marin phosphorescent donc il fallait tout changer et donc je travaillais la nuit. Ça sent vraiment le vécu en effet. Oui, c'était rigolo comme tout. Ouais. Okay. L'aventure, c'est l'aventure. Ah ça. Je faisais le journal des jeux, puis la série, puis Hercule. Et après, j'ai fait une série personnelle dedans qui s'appelait Radio Kids, qui était l'histoire de quatre gamins qui faisaient une radio. Et qu'on retrouve sur le stand d'ailleurs. On retrouve, oui, il y a des albums ici sur le stand. Je croyais que tu parlais de nous. Les quatre gamins sont là. On est là, hein, on est quatre. Donc justement, dessinateur de presse, t'as bossé aussi dans la pub, et puis bah voilà, après la bande dessinée. Oui, pub, et je fais toujours hein, d'ailleurs de la pub, j'ai fait beaucoup de pubs, j'ai fait toute la pub des magasins Auchan pendant 6 ans, hein. Je faisais un journal qui s'appelait Rick et Rock, avec des numéros spéciaux, des BD, puis j'ai fait de la pub pour Auchan, Malabar, je ne sais plus, moi, Poulain, tout ce qui est Seb, Tefal, enfin, et tous les produits enfants, Kellogg's, et tous les yaourts possibles, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais, j'ai cru comprendre, d'ailleurs, il y avait des fans qui étaient venus avec leur paquet de Kellogg's. Oui, j'ai dédicacé une boîte de Kellogg's ce matin encore, oui, des vieilles couvertures de Spirou, de Pif, de... Ah oui, parce qu'ils viennent avec des vieux machins, je ne sais pas où ils les trouvent. Ah, oh, c'est génial. Et du coup, pour revenir à l'affiche avec les deux personnages, là, Angèle et René. Oui. Alors donc, c'est une série qui a été créée, si je ne dis pas de bêtises, en 1997. 95, oui. Pour les premiers albums aux éditions du Lombard. Du Lombard, et justement, c'est ta série fétiche. Ben, c'est une série que, oui, j'ai fait à l'époque, j'ai fait 9 albums aux éditions du Lombard, et ça marchait super bien, surtout en salon, mais c'était pas leur fort, la BD jeunesse, et ils ont arrêté un peu le rayon jeunesse, donc la série a été un petit peu oubliée, indisponible en tout cas. Mais plus j'ai mis des années à récupérer mes droits à coup de lettres recommandées, tout ça, c'est très difficile quand on signe chez un éditeur de récupérer ses droits. Ouais. Même quand les albums sont plus disponibles, et j'ai fini par avoir gain de cause, et puis je les réédite maintenant sous mon nom en fait. Voilà. Là pour l'instant, les 7 premiers tomes. Les 7 premiers tomes, et puis un hors-série aussi qui est une aventure illustrée, pas en bande dessinée, mais avec de grandes illustrations. Oui. Donc voilà, ils sont disponibles. Mais bon, je les ressors, mais c'est assez confidentiel. Disons qu'on ne les trouve pas en librairie, quoi. Oui, c'est de l'auto-édition, comme on dit. C'est de l'auto-édition, avec du crowdfunding. Voilà, c'est voilà. Ça et c'est du circuit court. C'est de, directement de l'auteur au lecteur. Quoi. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer et voir Cœur de Riddle. Il a tout plein d'albums d'Angèle et René et de ses autres séries. Hein. Bah oui, puis si vous avez une vieille boîte de Kellogg's, éventuellement, si vous êtes fétichiste et vous gardez vos boîtes de Kellogg's, mais c'est épatant. Ou vos étiquettes de Malabar, oui, c'est possible. C'est ça. Après, ça dépend de l'époque, j'imagine. Il y a eu beaucoup d'autres dessinateurs. Il y a eu Franck Margerin qui en a fait. Il y a eu Yannick qui devait être parmi nous aujourd'hui aussi. On a été nombreux, oui. Et du coup, le choix de ton édition, c'est uniquement pour Angèle et René ou il y a d'autres projets qui... Il y a Angèle et René, puis je réédite aussi le Go Up, qui est une autre série que j'avais fait pour... Avec Mythique. Oui, avec Mythique au scénario. Je vois que vous êtes bien au courant. Mais il bosse, hein. Il travaille. Il a bien bossé, j'en témoigne. On dirait un petit garçon comme ça, sérieux, mais non, il a bossé son truc. Donc je réédite ça aussi. Puis j'ai édité aussi un livre, un gros livre de blagues qui s'appelle Histoire à péter de rire. Et ça, on a été dans les cours d'école, on a demandé aux enfants de nous raconter toutes les blagues les plus drôles qu'ils préféraient. Et on a pris des notes et je les ai toutes illustrées en couleur. Donc ça donne un gros livre de blagues et toutes les bêtises qui se racontent dans les cours de récré. Les histoires de devinettes, de blondes, de Toto, toutes ces bêtises-là, les monsieur, madame, etc. Et puis je me suis régalé, oui, c'est très amusant. Donc ça s'appelle Histoire à péter de rire et c'est aussi disponible sur le salon. D'accord. Et donc du coup, c'est Cœur de Riddle édition. Voilà. Je n'ai pas cherché plus loin. Il y avait un monsieur Tabary, qui était le dessinateur de Is No Good et de Corinne et Jeannot à l'époque, Totoche, etc., qui s'était mis en auto-édition, qui s'était appelé Édition de la Séguinière, et qui plus tard avait changé en Édition Tabary. Et il m'avait dit, si un jour tu t'auto-édites, ne cherche pas un nom à la noix qui sonne bien ou quoi, prends ton nom et tu le mets sur les albums et les gens comprennent tout de suite qu'ils ont affaire à toi en direct et c'est beaucoup mieux. Donc je l'ai écouté, puis je n'ai pas cherché, j'ai mis Cœur de Riddle Édition. Ok, et bah du coup l'auto-édition c'est un autre métier que d'être auteur, enfin je veux dire faut tout gérer. Oui, mais c'est plus vraiment un autre métier maintenant parce que aujourd'hui un auteur il fait tout. Quand il envoie à l'éditeur son album, il fut un temps où l'auteur envoyait des planches en grand format, en noir et blanc. L'éditeur les faisait réduire, faisait des bleus de coloriage, des films. Après, il leur envoyait un coloriste qui faisait la couleur. Après, on a envoyé un photographeur pour faire la séparation des couleurs. On faisait des films pour pouvoir imprimer. On tirait des chromalins. Tout ça n'existe plus. Aujourd'hui, un auteur envoie à l'éditeur son bouquin. Il est fini. C'est un fichier. Et il est fini. Donc, au lieu d'envoyer à un éditeur, je l'envoie à un imprimeur. C'est tout. Oui, mais il y a quand même malgré tout la gestion du stock, justement tourner en... Ah bah oui, la gestion du stock, il faut recevoir le camion quand il vient et qu'il dépose les palettes et puis ranger les palettes, c'est tout. Mais il n'y a pas d'envoi, il n'y a pas de vente en ligne. Ah si, il y a beaucoup d'envois puisque moi je fais ça par... tous mes albums, je les fais sur Ulule. C'est une plateforme de crowdfunding, comme on dit aujourd'hui. Mmh. C'est une plateforme participative. Donc, je mets le projet, les gens qui sont intéressés le précommandent. C'est eux qui financent finalement le tirage du bouquin. Et ils le reçoivent chez eux directement avec une dédicace. Bon, je mets toujours des petits bonus. Et je mets le nom de tous les enfants ou de tous les contributeurs dans les remerciements. Nom et prénom, par ordre alphabétique, etc. Donc c'est un petit boulot en plus. Et bien sûr, suite à ça... Mais tous les albums, je les dédicace et je les envoie, je fais les envois, je fais des paquets. Mais c'est pas désagréable à faire, j'ai un peu l'impression d'être le Père Noël et de faire plein de paquets cadeaux, j'aime bien aussi. Est-ce que tu as l'impression, Nico, toi, que c'est une lourdeur administrative conséquente de faire tout ça? Disons qu'un auteur, édité par classiquement, on va dire, il fait ses planches et après... Il n'a pas besoin de gérer le stock, de voilà, c'est dans d'autres mains. Mais en même temps, Kurd, je pense qu'il est plus maître aussi de ce qu'il fait et c'est voilà. Là, j'ai aucun directeur de collection qui me dit ah ben non, il faut pas faire ceci, il faut pas faire une couverture rouge parce que ceci, il faut faire plutôt ça parce que ça en ce moment ça marche, etc. Non, je fais vraiment ce que je veux, je fais les bouquins comme j'ai envie. D'ailleurs, j'ai fait des livres du coup de très très grand format avec le papier qui restitue le mieux la couleur, etc. Tout ça coûte un peu plus cher. Mais comme je ne fais pas des gros tirages, moi je fais 2000 exemplaires ou 1000 exemplaires, même si ça coûte 1 euro l'exemplaire, ça ne va pas aller loin. Si vous voulez. Mais si un éditeur qui fait 2 millions d'albums ou 3 millions d'albums par an, si on lui dit qu'il faut payer 1 euro de plus par bouquin, oui. Il ne le fait pas. Donc il va tirer vers le bas et vous allez retrouver avec un papier où on va à travers, un papier qui boit, etc. Donc maintenant que je suis tout seul, je peux faire les beaux bouquins. Il y a même, les lecteurs me le disent, ils me disent, j'ai jamais eu d'album de vous aussi bien imprimé que depuis que vous les faites tout seul. Ben oui, c'est malheureux, mais c'est vrai qu'on peut. On peut parce qu'on peut se faire plaisir. Mais est-ce que ça ne manque pas, enfin, voilà, c'est un travail, quand on est dessinateur, on a des retours aussi des éditeurs par rapport à ces planches. Et voilà, des choses qu'on ne verrait pas forcément quand on a la tête dans le guidon. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui manque malgré tout quand on travaille tout seul? Bah, disons qu'on a, paradoxalement, on a un retour, mais un retour du public là. Parce qu'on crée vraiment une espèce de famille avec les gens qui vous suivent depuis le 1. Il y a des gens qui sont venus me voir ici, qui participent à toutes mes campagnes sur Ulule depuis le début. Ouais, tout à l'heure, on parlait de Sandawe aussi avec un délecteur. Oui, avec un délecteur. Justement, on va y revenir après. C'est vrai que j'avais fait un album, mon premier album en crowdfunding, c'était chez Sandawe. Le bâtard des étoiles. Le bâtard des étoiles avec un scénario de Raoul Covin, donc le scénariste qui a créé Les Tuniques Bleues, Cédric, Les Femmes en Blanc, etc. Ouais, qui était un monsieur formidable, un scénariste de génie et un monsieur adorable qui nous a quittés malheureusement. Et c'était ma première expérience. Je comprenais rien, je savais pas ce qu'il fallait faire, mais voilà, petit à petit, c'est rentré. Et maintenant, voilà, j'ai c'était le pied à l'étrier avec justement Sandawe. C'était une mise en bouche, on va dire, par rapport au crowdfunding, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que j'étais un peu perdu parce que je connaissais pas du tout ce mode de fonctionnement. Et puis Raoul Covin non plus, parce que Raoul était pas tout jeune et il avait même pas d'ordinateur, il savait pas comment envoyer un email, donc c'était je devais gérer tout, enfin c'était pas évident, donc on a eu un peu de mal à le faire, mais c'était un bel album quand même. Je regrette que Raoul nous ait quitté, que l'histoire s'arrête là, parce que il avait dans la tête les 4 suivants, me disait-il. Il était très enthousiaste sur cette série et puis bah il les a emmenés avec lui. Mais le tome 1 est disponible ici, si vous voulez. Le bâtard des étoiles, le tome 1 s'appelle Le regard des autres. Donc c'est l'histoire d'un... C'est un album sur la différence, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas comme les autres, parce que son père est un extraterrestre. Donc c'est un album à la fois rigolo et une belle réflexion sur la différence. Alors, on parlait des séries que tu dessines, mais tu es également scénariste pour d'autres. T'as déjà fait des scénarios pour les autres. Je pense par exemple à moi, c'est une série que j'ai connue quand j'étais plus jeune. Tu fais quoi alors? Ah, tu et fais quoi là? Oui, oui. Avec Fennec. Philippe Fennec, oui. Voilà, donc c'est quelque chose aussi, c'est un plaisir que tu as d'écrire pour les autres. Ah, ben moi, j'aime bien écrire, hein, même écrire des. Je fais des petits romans jeunesse aussi. Mais oui, j'aime bien faire du scénario aussi. Oui, j'écris. J'écris d'autres pour d'autres dessinateurs. J'écris des gags pour Dany aussi, pas mal, le dessinateur d'Olivier Rameau et de Histoire sans héros. Là, j'ai fait des gags pour lui, des gags coquins un peu. J'ai fait des scénars pour Dave. J'ai écrit plusieurs albums dans la série Vie de merde aussi. J'ai dessiné et écrit Vie de merde avec mon chat, puis j'ai écrit Vie de merde avec mon chien et avec mes voisins pour d'autres dessinateurs. Moi, j'aime bien aussi écrire pour d'autres dessinateurs, oui. Ou travailler avec des scénaristes, j'aime aussi, oui. On varie les plaisirs. C'est l'avantage aussi quand on a le talent pour faire tout ça, quoi, en fait. Mais j'ai autant de plaisir à écrire qu'à dessiner ou qu'à faire la couleur. Il m'arrive même de faire la couleur pour d'autres dessinateurs. Bernard Capot, par exemple, qui est un très bon ami à moi, il aime beaucoup mes couleurs, il m'a demandé de mettre en couleur ses BD et je le fais avec plaisir parce que c'est tellement différent de ce que je fais que ça me fait des vacances parce que... Oui, j'aime bien varier en fait. Des projets à venir? Ben là, je suis sur un album un peu particulier. Je suis en train de dessiner l'histoire de Saint-Étienne en bande dessinée. Donc là, avec un scénario de Ghislaine Dullier, la femme de Maester, et Michel Rodrigue, donc qu'on connaît bien pour avoir repris les aventures de Cubitus. Tu ne serais pas chez un éditeur spécialisé sur les villes? Petit à petit, non? Non, c'est pas même petit pas. À petit, c'est un éditeur qui s'appelle Réclame, pour D'accord. qui j'ai déjà fait plusieurs bouquins. J'avais fait un album notamment sur l'histoire des parfums de Grasse, avec lui. Donc là, je varie aussi beaucoup, puisque là, c'est très, très réaliste. C'est complètement réaliste. Je fais dessin et couleurs et ça me change complètement de mes BD d'humour, donc c'est bien. Je suis ravi aussi. Du moment que ça change, ça me dépayse. Hein. Je prends beaucoup de plaisir à passer de l'un à l'autre. D'accord. Un petit mot peut-être par rapport Oui, c'est une première, Saint-Ouen-les-Vignes, ce festival. Ah oui, oui, oui, c'est une première. J'étais jamais venu ici, mais c'est vraiment charmant. C'est vraiment un coin. Je vais peut-être rester une semaine ou deux. Parce que tu as eu un peu de route quand même pour venir. Un peu de route, ouais, c'est pas tout près. Un peu de rail même, j'ai envie de dire, parce que mais t'es venu par le train. Oui, oui, je suis venu par le train, j'ai changé à Paris, donc c'était un peu épique, mais ça valait la peine, et surtout qu'on a le beau temps en plus. On a beau temps et un joli site. Hein. Ouais, c'est très très joli. C'est joli. Très très joli. Mais il y a un beau château ici, pour l'affiche, j'ai dessiné le château d'Amboise, parce qu'on m'avait dit que c'était, tout le monde dessinait le château d'Amboise. Mais, c'est vrai. Mais si on m'avait dit qu'il y avait un beau château ici, j'aurais demandé une photo pour le dessiner au lieu de celui d'Amboise, ça aurait été sympa. Ça aurait pu, mais elle est très bien aussi comme ça, cette affiche. Hein. Regardez les enfants tout à l'heure, là, vous tourniez le dos, là, mais la configuration, vous voyez les enfants. Oui, elle vient de tomber. À l'instant même, mais les enfants étaient bloqués devant. C'est vrai qu'elles sont attractives, ces affiches. Elles sont tous les ans très sympas. Ah, il y a un gentil monsieur qui l'a remis sur le panneau, l'affiche. Et voilà. Voyez, vous avez droit à tout ce qui se passe sur ce festival en direct sur Radioactive. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur Radioactive, monsieur. Et ben voilà, on laissait place à la musique dans peu de temps, puisque un groupe musical jouera tout à l'heure, c'est pas encore tout à fait tout de suite, sur la scène justement de ce festival, le groupe Shanks, qui nous fera de la soul. Côté musique, il écoute quoi, Kurd ? Oh là là, Kurd, il est très très ringard côté musique. C'est vrai. Il écoute beaucoup de variétés françaises, des chanteurs de chansons populaires. J'écoute de la musique de film, j'écoute de la musique indienne, j'écoute beaucoup de musique mexicaine aussi, de mariachi, de bolero, etc. Musique africaine un peu, non ? Parce que musique il me semble que c'est votre origine. Ah oui, j'écoute beaucoup de musique africaine aussi. Oui, je suis né et j'ai vécu 16 ans au Congo. C'est ça. Donc oui, ça laisse des traces. J'écoute pas mal de musique africaine aussi, j'aime bien. Bon, et ben là, et c'est je vois Vincent que je ne suis pas le seul à m'être renseigné. Un petit peu. Un tout petit peu, j'avoue. Alors justement, la musique, c'est Vincent qui a entre les mains la playlist et qui, depuis le début de cette émission en direct, nous propose des thématiques musicales en lien avec des adaptations de livres au cinéma. Oui, plus particulièrement, effectivement... Nicolas le soulignait tout à l'heure, plus ou moins off, il n'y a pas tant que ça de BD, mais finalement c'est assez franco-français, ça, les adaptations littéraires de BD, notamment Astérix, Lev Ducobu, etc. Du coup, j'ai triché un peu, effectivement, il y a surtout pas mal de romans, et là on va parler d'un roman qui a été publié en 64, un roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Ah ! Puisque l'une des adaptations les plus connues, c'est celle de Tim Burton en 2005. Donc effectivement, à chaque fois, le petit résumé. Donc c'est l'histoire de Charlie Bucket, qui vit pauvrement dans une toute petite maison avec ses parents et ses quatre grands-parents cloués au lit. Charlie est un enfant gentil, attentionné et soigneux qui aime sa famille malgré leurs difficultés communes. Et hors de sa famille, la chose qu'il aime le plus, c'est le chocolat. À cause de sa pauvreté extrême, il ne peut toutefois recevoir qu'une tablette de chocolat par an à l'occasion de son anniversaire. Et il y a près de sa maison la plus grosse chocolaterie du monde dont le propriétaire se nomme Willy Wonka. Donc Willy Wonka est le plus important, le plus créatif et le plus inventif raffineur de chocolat au monde. Et comme raconté par le grand-père, l'espionnage industriel ayant pratiquement ruiné la fabrique, Willy Wonka l'a complètement fermée puis réouverte ultérieurement avec l'aide d'ouvriers inconnus et mystérieux. Vous l'avez vu ? J'ai vu le début, j'ai beaucoup aimé le film. Jusqu'à l'apparition de Johnny Depp, que j'ai trouvé tellement mauvais, tellement insupportable, que j'ai arrêté. Cabot, horrible, j'ai vraiment pas aimé. Tout le film est très beau au début, je trouve qu'il fout tout par terre et c'est une catastrophe. Donc j'ai préféré l'ancienne version très vieille, que j'avais vue il y a des années, qui m'avait laissé un souvenir. Mais j'ai pas du tout aimé le personnage. D'accord, très controversé ce comédien Johnny Depp. Hein. Tout à fait. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout simplement le thème principal de Charlie et la chocolaterie. Et ben voilà, ce sera pour Kurd, qui n'a pas du tout aimé ce film. Non, je suis désolé. Mais j'aime beaucoup. Le chocolat, par contre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est parti. Radioactive. Radio. Radioactive. Toujours en direct du festival Les Courants BD à Saint-Ouen-les-Vignes, on va repartir pour une petite plage musicale, mais cette fois-ci, on va sortir des musiques de films et on va repasser un des morceaux du groupe qui va passer demain en direct ici. Le groupe, c'est Soul Grid, qui va passer demain à 14h30. Et je vous propose d'écouter une de leurs reprises. Allez, Time After Time de Cyndi Lauper. C'est parti. The clock ticking, sing of you, call up in circle, confusion is nothing new, flashback, warm night, almost left behind, suitcase of memories, time after sun. To me, I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can hear what you say. Then you say, go slow, and I'll fall behind. The dream be tired of time. If you lost, you can look. Can you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you lost, you can look. And you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Et oui, si vous ne l'avez pas entendu, nous aussi, vous êtes sur Radioactive, sur le 94.7 et le 93 FM du côté de Montlouis. Nous sommes toujours en direct, en live, sur ce 17e festival BD à Saint-Ouen-les-Vignes, où il est encore temps de venir nous rejoindre, puisqu'il y a encore plein d'auteurs présents, plein de surprises pour vous, de la bonne humeur et de la musique qui se prépare, comme vous l'entendez derrière nous avec le groupe Shanks, qui va se produire d'ici peu de temps, d'ici une bonne grosse demi-heure, pour tous les spectateurs. Alors Nicolas, on a eu la chance ensemble, je rappelle Nicolas Ribambule, évidemment, de recevoir à notre micro les auteurs Laurent Astier, Loïc Chevalier, Kurt Riedel. Et puis bah là, maintenant, c'est pas un auteur qu'on a avec nous, mais c'est pas n'importe qui. C'est pas un auteur, mais c'est un acteur du festival. Oh, joli. C'est Claude Verne. Bonjour Claude. Bonjour à vous. Bonjour Nicolas de la Ribambule. Bonjour Marlène de Radioactive. Bonjour Claude du Festival BD. En tout cas, l'histoire entre la Ribambule et le Festival des Courants, elle est née grâce à Claude. Ouais, c'est vrai, c'est des rencontres, comme ouais. toutes celles qu'on fait d'année en année. Là encore cette fois-ci, on a des rencontres super sympas avec des nouveaux auteurs. Plein de choses, des gens qui se rencontrent, qui veulent revenir. Là, on était avec des présidents d'autres festivals qui sont venus nous voir, échanger, confronter un peu des idées, oui. Proposer des choses. Je trouve ça super sympa. Oui. Ah oui. Oui, je les ai croisés ce matin. Ils sont venus chercher des bonnes idées et j'imagine qu'ils vous en ont donné également pour le festival des courants. C'est des véritables échanges, ouais. C'est pas... non, pas c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment... c'est une famille qui se démultiplie. Là, il y avait aussi des collègues de BD Boom, y compris des bénévoles de BD Boom qui étaient là hier et encore aujourd'hui. D'accord. Alors Claude, moi j'aimerais savoir, en tant que membre de l'organisation, comment on choisit un auteur pour réaliser l'affiche, là cette année, Kurt Riedel. Pourquoi Kurt Riedel et l'histoire d'une affiche. Alors l'histoire de cette affiche, c'est... Une bonne question. Déjà, très bonne question, ouais. Et je vais essayer d'y répondre. Donc déjà, l'année dernière, on avait rencontré Sébastien Gérard, Silmoun, il y avait Yannick qui était là, Dufran qui était là, donc des anciens de Pif Gadget. Sébastien a toujours eu envie, effectivement, de faire un album des années 80-90 sur l'histoire de Pif Gadget. Au travers de ça, il y a eu pas mal de rencontres et lui, sur les réseaux sociaux, fait pas mal de lives où, effectivement, on rencontre des auteurs qui ont travaillé pour Pif Gadget, qu'on ne connaît pas forcément, type Philippe Lugui qui a fait Silvio, mais Philippe Lugui, moi, je le connais plus par Percevant, etc. Et Kurt Riedel, effectivement, il a travaillé dans les années 90 pour Pif Gadget, même les années 2000 après, là, il y a encore eu un remake de Pif Gadget. Et donc Kurt, il sait dessiner Pif. Et puis, globalement, quand c'est quelqu'un qui n'est jamais venu sur le festival, donc c'était l'occasion de l'inviter et de lui demander s'il avait envie de faire l'affiche. Et il nous a dit tout de suite oui. Et là, Kurt est là, et puis voilà, et puis il cartonne, il s'amuse, et puis avec tous ses copains de Pif Gadget. Et puis à côté, dans la même veine, il y a des belles histoires, parce que moi je suis fan, par exemple, dans les années 70 de Poirier, qui est décédé très très jeune, et on a la chance d'avoir des rééditions aujourd'hui par Bilitis Poirier, qui est la fille de Poirier, de Horace Cheval de l'Ouest et de Super Matou. Et donc, elle est venue, on l'a invitée, je l'ai invitée, elle est venue, et puis là, elle fait des dédicaces des albums reconstitués de son papa. Je trouve ça génial. Tu vois, je t'avais dit que c'était le coup de cœur de Claude cette année. Hein. Parmi d'autres, attention, hein, parmi d'autres, mais il y en a plein. Et on en avait discuté tout à l'heure. Et Kurt Riedel nous disait justement par rapport à cette affiche, puisque tu soulevais cette question, qu'il aurait su qu'il y avait un si beau château à Saint-Ouen, il l'aurait peut-être intégré à l'affiche. Un château, c'est un château. Il y a tellement de châteaux en Touraine. Et donc, Là, c'est celui d'Amboise qui est toujours mis en avant. Non. Vous regardez les affiches et tu les as derrière toi. Regarde, il y a souvent le château de Saint-Ouen. Regarde la première, là, c'est le château de Saint-Ouen. Tu le vois là ? Regarde. C'est pareil, Philippe Larbier, c'est Saint-Ouen. Juste à côté, Jacques Debord, c'est Saint-Ouen. Donc, vous voyez, il y a un partage quand même. Bon, j'ai pas été assez observateur. Et les gens de Saint-Ouen reconnaissent quand même leur château par rapport à celui d'Amboise. Comme disait Claude, un château est un château. Voilà. Absolument. Et par rapport à l'ambiance, en tous les cas, ils sont tous unanimes. Saint-Ouen, c'est un joyau. C'est vraiment un endroit de verdure, un cadre super sympa et qui est source, comme on le dit souvent, d'émergence de nouvelles collaborations. Ouais. Tout à fait. Et là, moi, je découvre aussi certains auteurs parce que, en toute amitié, quand un Philippe Larabier nous dit moi, je peux venir que samedi pour X raisons, mais par contre, il y a un copain qui vient, tu verras, c'est quelqu'un de vachement bien, c'est Gilem. Je découvre Gilem. Voilà, c'est juste quelqu'un d'extraordinaire. Il vient de Nouvelle-Calédonie, il rentre en France, etc. Il travaille pour Spirou, Brad Rock, etc. Et franchement, c'est quelqu'un qu'on veut revoir. Il va être là le week-end et puis on ira le voir peut-être dans d'autres festivals. Mais vous voyez, c'est vraiment des rencontres à chaque fois hyper intéressantes. Et puis effectivement, il y a des croisements qui se font. Yannick, malheureusement, il est hospitalisé, Oui. Donc j'espère avoir des bonnes nouvelles aujourd'hui à annoncer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va travailler avec Sébastien Gérard sur toutes ces anciennes BD qui ne sont pas réelles sorti et faire des compiles. Voilà, j'ai l'impression que pour certains, certains notables de la bande dessinée, mais des années 80. Aujourd'hui, il y a un mélange qui se fait, quelque chose d'intergénérationnel qui se fait avec des jeunes qui s'accrochent effectivement à des mythes comme ça, des gens qu'on a connus par le passé. Et c'est vraiment intéressant. Donc, il y a plein de rencontres qui se font. Et ça, c'est intéressant. Sylvain MS, beaucoup de scénaristes d'un de ses albums sont au festival aujourd'hui. Mmh. Vous avez Fred Marniquet, Eric Ivars qui écrit un scénario pour une de ses BD. Et tout ça, ça fait des belles rencontres. Mais ce qui est fort aussi avec le festival, c'est qu'on a toujours le noyau dur. On retrouve certains noms d'une année sur l'autre, mais hop, ça se renouvelle. Il y a de nouveaux noms qui apparaissent. Et du coup, c'est de la découverte également. C'est ce qu'il faut en même temps. Il faut effectivement avoir un renouveau chaque année, parce que ça pourrait nous être reproché d'avoir tout le temps effectivement les mêmes personnes. Et puis, on a la chance. Alors, lui, il sera là tout le temps, j'espère. C'est Régis Loisel. Sauf que Régis Loisel, c'est top. Parce que moi, avec mon petit nom, Claude Verne, faire venir... vous avez vu les noms qui sont là, Laurent Astier ou d'autres. Il est passé par là tout à l'heure. Ouais, c'est quand même assez difficile de faire venir des gens comme ça uniquement parce que petit festival de Saint-Ouen, il est sympa, etc. Mais quand c'est Régis Loisel qui dit « Moi, je vais au festival de Saint-Ouen, il faut que tu viennes, je t'invite, etc. » Je vais vous dire un secret, je ne vous donnerai pas les noms, mais en tout état de cause, Régis sera déjà présent l'année prochaine au festival et il a déjà invité d'autres personnes. Donc voilà, on croise nos connaissances, etc. et on arrive à quelque chose qui va être génial d'année en année. Si vous avez des informations, appelez-nous. Et donc là, le programme pour ce samedi, qu'est-ce qui se passe juste après, là, Claude ? Donc on a la musique. Ouais, la musique. À 17h30 avec Shanks. Shanks, alors c'est sympa parce qu'effectivement c'est un groupe de funk soul, mais la petite anecdote c'est quand même qu'il y a des élus musiciens et le maire de Blairet fait partie de ce groupe. Lunettes vertes, donc, facile à repérer. Donc ça c'est très sympa, à 18h donc remise des prix et quelque chose de sympa, on va remettre des prix à des gens qui ne savent pas, qui vont recevoir un prix, donc j'espère que ça va être très très sympa. Mais vous le savez par contre. On le sait, je le sais, je n'aurai pas de nom. Et on peut pas savoir. En tout état de cause, je ferai un discours hyper bref et surtout donner la parole aux auteurs, voilà, aux artistes et aux auteurs. Très bien. Et on a hâte en tout cas. Enfin, même si ça nous projette dans une heure, un peu plus d'une heure, on n'est pas pressé non plus de voir cette première journée se terminer, mais c'est vrai que c'est toujours un événement de venir voir la remise des récompenses. Ouais. Alors, c'est vrai que chaque minute compte, c'est une minute de plaisir. Il faut avouer que ce matin, je suis arrivé... J'étais pas très très souriant quand même à nettoyer les tables. Je confirme. Et là, quand on voit le soleil, franchement, on se régale. Et demain, il va faire beau, donc c'est génial. Ouais. Ouais, pour l'anecdote, j'ai demandé si ça allait à Claude quand je suis arrivé. Il m'a dit « Moi ». Mais une demi-heure après, ça s'est découvert. Et puis là, j'ai l'impression que l'été est arrivé à Saint-Ouen-les-Vignes. Oui. Je suis en t-shirt. Je sors le short dans une heure. Non, vraiment, on est très bien. Il ne faut pas hésiter à sortir et à venir jusqu'à Saint-Ouen-les-Vignes faire un petit tour. Après, voilà, il y a plein de choses à découvrir. On n'est pas obligé de rester. Hein, mais il y a plein de jeux aussi. Et il y a plein de jeux. T'as vu ? Avec la MJC. Oui. Le cercle d'Ambac également. Le cercle d'Ambac, ouais. Et manifestement, ça intéresse beaucoup de gens, des passionnés de jeux. Et je découvre que ça fait partie quand même sur le bassin d'Amboise, il y a pas mal de joueurs quand même, hein, donc c'est sympa. Ah, c'était une bonne idée de les inviter cette année. Bien joué, Marlène. Comme ça, on attire peut-être potentiellement des nouveaux lecteurs de bande dessinée. Ouais, aussi. Mais, mais c'est des univers qui se rejoignent de toute façon, hein, le monde de l'imaginaire, la BD, on est clairement là-dedans. Et donc, pour les plus gourmands, moules frites aussi ce soir. Moi, j'ai pris moules frites ce soir. Évidemment. Ouais. Évidemment. Donc n'hésitez pas à venir, le comité des fêtes, toujours aussi fidèle. Sans le comité des fêtes, on ne serait jamais venu à Saint-Ouen, même si c'est magnifique Saint-Ouen. Mais le comité des fêtes et ses bénévoles, un grand merci à eux, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Et puis, au-delà de nous nourrir, nous aident aussi dans la mise en place des stands, etc. Donc c'est hyper important. C'est une logistique étonnante. Et j'ai vu de nouvelles têtes, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est cool, je vais donner deux prénoms, mais je pourrais en donner d'autres. Philippe, nouveau bénévole qui se donne à fond. Fred Michaud qui était là hier, qui sera là demain au démontage. Parce que quand même, le moins marrant c'est le montage et le démontage. Ouais, mais ils sont là et ça c'est adorable. Donc des nouveaux bénévoles et ceux qui ont envie de nous contacter, qui n'hésitent pas. Vous verrez, vous rendrez beaucoup de plaisir. Sans bénévole, on ne fait rien. Ah bah non, sans bénévole, sans idée. Et sans bénévoles, on ne fait rien, effectivement. Donc un appel lancé par Claude éventuellement, donc contactez l'association Prise d'Assaut si vous voulez faire partie de cette belle aventure qu'est le festival BD Les Courants, 17e édition, avec une 18e qui se profile d'ores et déjà, hein, puisqu'on en a quelques éléments. Et bien en tout cas Claude, merci beaucoup. Demain encore de belles surprises, hein, une belle journée bien remplie avec des auteurs qui ne seront pas là et d'autres qui seront là. Alors ceux qui ne seront pas là, de mémoire, il y a Philippe Larbier qui ne sera pas là, Gilem. Et puis Simon Huro. Alors Simon Huro, à mon avis, va dédicacer très très tard ce soir. Mmh. Il y a des files d'attente, là on voit pour les dédicaces. Donc il y a des gens, on les revoit pas d'une année sur l'autre. Et des fois il y a une année qui est sautée, mais quoi qu'il arrive, voilà, les gens sont accros aux derniers albums de Simon Huro. Philippe Larbier, bon, il fait un carton plein à chaque fois. Donc voilà, c'est des vrais plaisirs. Et donc demain, évidemment, vous n'oubliez pas de passer à l'isoloir avant de venir faire un petit tour sur ce festival, bien sûr. C'est indispensable d'aller voter. Nous sommes une entité de l'économie sociale et solidaire, Prise d'Assaut, la ribambule. Donc votez bien, sinon on risque de disparaître. Tout simplement. C'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Tout est dit. Tout est dit. Ben, merci beaucoup, Claude. Merci, Marlène. Merci. À toi, Nico. Merci, Claude. Merci, Nicolas, également. Merci, Radioactive. Voilà, on va pas tarder à rendre l'antenne, mais c'est toujours un vrai plaisir de partager ce moment sur ce site avec toutes ces personnes qu'on a plaisir à retrouver chaque année. Notamment, Nicolas, on se voit qu'une fois par an, c'est ici. Un voilà, grand merci à Radioactive. Oh, bah avec grand c'est, plaisir. C'est un plaisir de, que vous soyez sur site. Eh ben, on en est très contents. On se donne rendez-vous l'année prochaine, alors. Ah, mais bien sûr, même endroit. Super. Eh bien, chers auditeurs, nous allons donc vous quitter pour cette année. Le mieux, c'est de venir nous rencontrer directement. Nous sommes toujours au festival BD Les Courants. On se dit à très très bientôt. Vincent, nous as-tu préparé quelque chose en oui, guise de musique pour se quitter ? En guide, j'ai envie de dire, ça m'y a fait penser, c'était absolument pas voulu, mais bon, je pense que c'est un peu hommage aux bénévoles, musique du film adapté du livre du même nom, L'Armée des Ombres. Ah oui ? L'armée des ombres, c'est joli. On ne voit pas les personnes et pourtant elles sont là, elles œuvrent, elles font en sorte que tout le festival se passe bien, tous les festivals se passent bien. Évidemment, derrière chaque grand événement comme ça, il y a pas mal de petites mains à l'œuvre. Donc voilà. Eh ben, c'est un bel hommage. Je pense que c'est une belle note pour se quitter. Vous êtes donc à l'écoute de Radioactive. C'est parti pour cette musique. À très bientôt et on vous souhaite une belle soirée à l'écoute de nos programmes. À bientôt.